borokoto. Baby ki borokoto. Ay, ki borokoto. Oh baby ki borokoto. Ay, my chocolate, sugar sugar. You look like a Kenyan girl, huda huda. Genge mitabata, barakuta. Ujini kupetango, kubwa kubwa. Chuma kwa chuma veki gongan. Cheche, cheche. Je sais que la seule qui écoute le prix de la baraque, y a des choses, Dior, Jean Gabbana. Ça doit vous choquer, c'est rien, c'est banal. Certains m'appellent Gims, Muggy ou Ara. De Panama, Dodoma, la route est longue, il me faut des béquilles. Sur le périph' à 260, poursuivi par quelques képis. Dans la poche du vert, du jaune, du violet, ouais, ouais, c'est du liquide. Des talons, du rouge à lèvres carrées, plongeons petit legging. C'est pas de toi que je fais la musique. T'aurais voulu quoi que je pense à l'usine. Tu m'aimes avec un cœur en leasing. J'essaie de joindre l'agréable à l'utile. Signorita, show me how you dance for me. Signorita, show me how you dance for me. Neguse guse mama sinta lala. Kinyozi, kechu, kiparala. Kishepu sanchoka, pipa lala. Adi macho ya nitoka, kifalala. Kriya, iya. Hati piki kriya, iya. Make your body go. Kriya, iya. Shake it, shake it. Kriya, iya. Señorita, show me how you dance for me. Señorita, show me how you dance for me. Où vas-tu, mon bébé? J'crois que la nuit va tomber. Je ne vais plus t'embêter. Ton absence me rend de bébé. Où vas-tu, mon bébé? J'crois que la nuit va tomber. Je ne vais plus t'embêter. Ton absence me rend de bébé. Dance for me. Señorita, show me how you dance for me.